assis dans le noir, mes pensées vont vers toi, et elle mouille moi, non, ne m'en veux pas. Je suis parti, mon cœur s'en remet pas, dans un endroit où l'homme n'a plus de droit. Les jours sont longs, me paraissent interminables, et elle m'aura, je rêvais que d'une vie stable. J'ai besoin d'elle, j'ai perdu ma liberté, chère à mon cœur, je voulais être ta fierté. Ma vie, je la vois s'en aller, dans mes rêves, tu es mon espoir. Ma vie, je la vois s'en aller, dans mes rêves, tu es mon espoir. Si seul, je vois ma vie comme une mort lente. J'ai tellement honte, mon visage s'inonde. Ne viens plus, j'aimerais que tu ne t'inquiètes pas. Les années passent et tu n'arrives plus. J'aimerais te dire je t'aime. Dans mes rêves, tu es mon espoir. Ma vie, je la vois s'en aller. Dans mes rêves, tu es mon espoir. Prendre parfois des chemins difficiles, mais à chaque instant, la famille reste dans le cœur. Dédicace à toutes les mamans du monde. Prenez soin d'elles. Ceci est mon histoire. Ceci est mon histoire. Ceci est mon histoire.